à la tête, épaules et genoux, pieds, genoux, pieds, genoux, pieds, oh, la tête, épaules et genoux, pieds, genoux, pieds, genoux, pieds, à la tête, épaules et genoux, pieds, nous allons danser. Ah boy, Chouba, allez Tsunami, Momoni ma Tsunami, Tsunami, Momoni ma Tsunami, Tule, Aïla bébé, Aïla, Aïla bébé, Aïla, yaka yaka yaka ebele ebele ebele ah ah ah ah ah tsuba tsuba tsuba suka naka ba tsuba tsuba kanda ka tsuba oteki nini somi nini suki mini semi nini teki nini ye masasi kali gile masasi kali gile ye masasi kali gile kali gile kali gile ye masasi kali gile tsuba Joss Inno Studio. Allez tout le monde, levez les mains, levez les mains, levez les mains. Levez les mains. Tchouba. Eh eh eh. Oye la oudilo yo yo. Eh eh eh. Oye la oudilo yo yo. Avec les reins comme au lit. Avec les reins comme au lit. Avec les reins comme au lit. T'as fait 17 quand t'appelle dans les quartiers. Tu fais malin. Voilà aujourd'hui. T'es bon de moi. Faut pas d'accord. Hey. Ya ya. Dieu merci. Toujours imité, jamais égalé. Hey. La force des forces. Pas là pour parler longtemps. Et si c'est la référence, c'est la MIFA. Y'a DJ et puis y'a DJ. Touga Chop Chop, le président, et nous avons voté pour lui. Big manager. Attends. de Bercy. Si ma pensa mwana, kama na bwaka si ma pensa mwana.